my baby. Oh, baby, won't you see my wife? Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out now. I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around and go, cat, go, don't. Step on my blue suede shoe. Make it to the family off my blue suede shoe. Back that up, start a fry. When she fly my baby at night, I got a cool man being as she be. Cut down my fancy double being to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. When you begin, whole lot of shit going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love me, baby, I love when what to me go. How long? Oh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you up your feet. Whoa, baby. I got a crazy. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. I do. I love you, baby. Like God knows you do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Well, do that, baby, I'm doing up one more time. Yeah, let me love home. I'm going home. I'm going home. Whoa. I did my baby, I'm doing up one more time. Yeah, yeah, could I go home? See my baby. I'm going home. See my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Baby, with red dress on. Babe, I love you so. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. I go home. I go home. I go home. Yeah, home. Home, home, oh, my baby. I go home. I go home. I go home. Yeah, home, baby. Oh, oh, oh, oh, oh. I go home. I go home. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Thierry. Eh ben oui, il est là, avec nous. Alors Jean-Louis, eh bien une première partie, c'est ta sélection. Alors je te laisse l'honneur, présente-nous ce qu'on vient d'écouter. Il nous a quittés le 6 mars dernier. À l'âge de 69 ans, Alvin Lee est mort, donc c'est pour ça que j'ai tenu à passer ce morceau emblématique de Ten Years After, enregistré à Woodstock en 69, une prestation mémorable. J'ai eu l'occasion de le voir il y a une vingtaine d'années à Dijon, où il était passé, j'étais le voir. Et bien sûr, il nous l'a refait en rappel, Going Home, mémorable. Il a dû le jouer des milliers de fois, je pense, toute sa carrière. Mais c'est un morceau inoubliable. Et même si c'est pas du prog, c'est vraiment un très très grand morceau. Donc, en hommage à Alvin Lee, mort il y a un peu moins d'un mois. Qu'est-ce que tu nous as apporté d'autre ? Je vois qu'on continue notre périple américain, même si Ten Years After n'était pas américain. Non, mais c'est enregistré à Woodstock, hein, c'est ça, hein ? Woodstock, mais c'est bien les anglais. Donc tu nous as apporté les deux chéris des années 60, du peuple américain. Alors on vous a fait une petite séquence surprise, ce sera à vous de découvrir quel est le thème. À la limite, ce serait bien que nos auditeurs nous appellent au 04 78 51 16 85, je le note encore, 04 78 51 16 85, et il y aura des compilations, des sampleurs, comme on dit chez nous, de progressifs à gagner, et qui vous seront envoyés directement chez vous dans votre boîte aux lettres, sous pli discret et parfumé. Donc on vous présente quelques morceaux, d'une séquence de plusieurs morceaux, vous allez voir, et... À vous de trouver le thème de ce petite séquence. Oui, premier arrête, morceau. C'est pas très très dur, je pense. Non. Alors donc. Premier morceau, Simon & Garfunkel. Extrait de le lauréat, The Graduate. When streams are ripe and swelled with rain, May she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old. You can brush me under the carpet. You can hide me under the stairs. The custodian of your private fears. Your leading actor of yesterday. Sentence to reject. superbe reprise de Fish de Incubus dans l'album Fugazi. Et donc c'est sur un double album Yin et Yang publié par l'ami Fish en 95. Et précédemment, vous avez entendu Simon & Garfunkel, April Comme She Will. Yes, great. On continue sur notre petite séquence sur Chris Cryer. Son premier album sorti en 75, Fish Out of the Water. Ouais. Donc on va vous passer les premiers morceaux. Du beau monde sur cet album, en particulier Bill Bruford, Mel Collins, Patrick Moraz, pour les plus connus et puis les plus yes, n'est-ce pas? Et Kim Crimson. Après Jimmy Hastings, pour ceux qui connaissent. Caravan. Barry Rose. Non. Non, ça me donne pas d'écho. Andrew Price, Jack, je sais pas quoi. Je sais pas. Donc, Chris Cryer. Et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Thank you.

Van der Graaf Generator avec Peter Hamill et sa voix toujours aussi éraillée. Elle est toujours aussi éraillée actuellement d'ailleurs, puisque le groupe existe toujours et continue à chanter en public. D'où un DVD qui est sorti l'année dernière, un petit concert intimiste auprès d'une vingtaine, une trentaine de personnes à Londres. Guy Evans à la batterie, Hugh Banton au clavier et David Jackson, pas Peter Jackson, David Jackson au sax complètement déjanté. David Jackson d'ailleurs qui sera au Proc Sud le 8 mai avec un groupe italien, Alex Carpani. Donc pour les amateurs de sax bien déjanté, bien non jazz, je vais dire, c'est à voir. Hein, Thierry, tu les verras sûrement, peut-être, je sais pas. Oui, je pense, oui. David Jackson qui joue des fois avec deux sax en même temps. Bon. C'est quelque chose, c'est un spectacle à lui tout seul, et malgré son âge, il fait bien le spectacle toujours sur scène. Voilà donc pour notre petite séquence. Vous avez encore une heure pour trouver quel était le thème de la séquence. Voilà, le fil directeur. Je te propose maintenant de partir avec les nouveautés. Les nouvelles publications, nos amis d'Ésotériques frappent une fois de plus très très fort avec la réédition remasterisée d'un album double live de Barclay James Harvest, un album intitulé Glasnost qui a été enregistré à Berlin-Est en 87, donc quelques 2 ans avant la chute du mur de Berlin, c'est quand même important de le noter. J'ai choisi non pas Mockingbird, qui est un morceau fabuleux, mais un autre morceau d'anthologie qui s'intitule, n'est-ce pas Michel, il le connaît bien, Poor Man Muddy Blues. C'est un clin d'œil fortement prononcé du groupe pour détracteurs qui les traitaient de Muddy Blues de série B. Voilà, un humour d'autodérision typiquement british. Barclay James Harvest.

nice. Thank you. Après deux morceaux, deux extraits du Barclay James Glasnost, un album double, donc ça valait bien le coup de deux morceaux, donc Medicine Man et Poor Man's Money Blues. Nous avons eu, Jean-Louis ? Alors on a eu Yes, Time and World, le deuxième album de Yes, Astral Traveler, qui, si nos mémoires est bonne, a été joué aussi l'autre fois quand ils sont passés à Lyon il y a 3 ans. Alors pourquoi ce morceau ? Ben encore un hommage à un disparu. Peter Banks nous a quittés apparemment il y a quelques semaines aussi. Oui, à peu près 15 jours. Peter Banks, le premier guitariste de Yes, avant que Stevie Ove vienne opérer. Peter Banks qui a aussi, au cours de sa carrière, joué avec Clive Nolan dans Jabberwocky par exemple, et puis d'autres. Oui, il avait créé, en quittant Yes, un groupe qui s'appelait Flash, dont le premier album est superbe. Et Peter Banks qui était un excellent guitariste, hein, je veux dire du, à peu près du même niveau que Stevie Howe, c'est pour dire. Donc mort lui aussi, encore un disparu. Est-ce que tu as mentionné la date de cet album ? Non. 1970. 70. On est tout dans les vieilleries 69-70 ce soir. Oui, ben non, là on va passer carrément à du brûlant, chaud bouillant, ça vient tout juste de sortir, tout juste, et également chez Esoteric Records, c'est Sanguine Hum. Sanguine ou Sanguine, j'avoue que j'ai pas vérifié la prononciation, vous me pardonnerez. Hum, c'est un nouveau groupe et le titre de leur album, The Weight of the World, le poids du monde. Tout de suite sur Progapart. Away the curtain call, a stretch too far, just might be the breaking of a song. The trip before a fall. Awaken the cry, a leap too high to ride into the to walk before we crawl. I think we agree. The journey's reached conclusively, the beginning of the end. A way to make amends. A way to make Saxon tide is rising. The beacons light the sky. And I must take up arms again to fight. La brume. En voilà une bonne idée d'avoir réédité ce petit bijou de FM. FM, ça n'a rien à voir avec un groupe de FM. Non, FM, c'était un trio canadien, auteur de plusieurs disques, dont deux superbes. Et nos amis d'Ésotérique, encore eux, frappent très fort puisqu'ils rééditent coup sur coup Black Noise. Et direct ou direct to disc. Je vous ai choisi direct to disc qui est le plus progressif des deux. Black Noise est sympa aussi, mais celui-ci est beaucoup plus progressif. Vous allez voir, il y a une influence de UK, le groupe, qui est plus qu'évidente. Ça date de 78 et vous l'avez compris, c'est canadien. Kitten's Corner. Waitress was saying, cigars, cigarettes, banana peels. Banana peels, that's the latest kick these days. Red Jones swears he saw one of the long-haired freaky people in a Winn-Dixie supermarket with a banana peel. He says, hey man, how about a refill? Dr. Domrose, boom, boom, the funny DJ, boom, boom, boom, boom, boom, floats the jokes right down the drain. Boom, boom, boom, boom, boom. First time I heard this one, my left ear fell off. The Turtles, happy together. Happy? I'm ecstatic. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Alors Jean-Louis, on donne la réponse à notre petit concours. On remercie les milliers de personnes qui nous ont appelés. Bon, c'était un petit clin d'œil. On parlait du mois d'avril et des poissons. Hein, Avril, comme Sheep Will, de Simon Garfunkel. Après, c'était Fish, Chris Squire, qui est aussi surnommé The Fish, je crois, parmi les membres de Yes. On a un peu court-circuité un morceau qui s'appelait The Fish aussi de Yes. On l'a pas mis. Après, ça parlait du jardin de la pieuvre, c'est la mer. Et puis, Killer qui se passe au fond des océans. Hein, avec Vanda Graaf. Qui mange des poissons. Voilà, donc c'était mois d'avril, les poissons, quoi. Voilà, c'était pas de blague, mais bon, c'était un fil directeur. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est amusant. C'est un fil directeur. Bon, pour ceux qui écouteront l'émission en podcast, on leur laisse une petite chance de nous envoyer un mail. On sera gentil garçon, même s'ils l'envoient après avoir écouté l'émission en intégralité. Les premiers qui nous envoient un petit mail, eh bien, gagneront aussi ce CD, ce sampler. Je te propose de terminer avec une vieillerie, une de plus, tu vas me dire, de chez Ésotérique, une de plus, tu vas me dire, avec un groupe que je ne connaissais pas du tout, un groupe qui s'intitule Spriggans, ou Spriggans, je pense que ça se prononce plutôt comme ça, puisque quand le I est accentué, il se prononce I. Spriggans, un album Time Will Pass. Un album de 77, c'est de mémoire leur deuxième, si je dis pas de bêtises, leur plus achevé, comme souvent. Et malheureusement balayé par la vague punk. Vous allez voir, c'est très très sympa. Moi, ça m'a fait penser à un mélange de folk, de prog, assez proche des Strobes. Tout de suite, Spriggans. Your army came riding over the hill. When I looked out, my eyes with tears gave fill. You were not there. My eyes couldn't see. Knew that this time you'd never be coming home again to me. Gave me your sword and your shield, oh, silver so bright. I read your letter, the last to a lady from the night. You died far away, for a man. Gone are those days when we loved, and I gave you my hand, and I gave you. C'était Prog à part, une émission proposée et réalisée par Thierry Sportouche et Jean-Louis Delacruz. Voilà une émission un peu spéciale, spéciale 1er avril qui a suivi celle de lundi dernier. Vous excuserez un peu la fatigue du présentateur, enfin de l'un des deux, puisqu'il était au Quai du Polar. Il a pu d'ailleurs rencontrer Bernard Werber, oui, l'auteur des Fourmis, qui est un grand, grand, grand fan de prog. Devinez de quoi on a parlé. Rendez-vous lundi 6 mai, même heure, même chaîne. Et d'ici là, tenez, Tati, et nous vous pétons la miaille. Ciao, ciao.